grains de sable d'Attaque Québec. Aqui um outro mundo é possível se a gente quiser. Aqui um outro mundo é possível se a gente. Aujourd'hui au Grain de Sable, les sujets pour la prochaine heure: le statut des corporations, le Forum économique mondial de Davos et la Révolution tunisienne. Bonjour, c'est Valérie Boulouin qui vous parle et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Le Grain de Sable du groupe Attaque Capitale Nationale. Une émission préparée par Cédric Leterme et dont la mise en onde est assurée ce soir par notre fidèle camarade Jeanne Gutiérrez. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer le grand retour de Robert Jasmin à l'émission, qui viendra nous proposer une chronique mensuelle ici au Grain de Sable. Et oui, il va commencer ce soir en venant nous parler des effets sociaux des mesures de l'austérité, de l'enjeu des statuts des corporations et du Forum économique mondial de Davos. Tout un programme, je vous l'assure. Ensuite, en deuxième partie d'émission, on reviendra avec Cédric Leterme sur les révoltes qui secouent actuellement le monde arabe dans le sillage de la révolution tunisienne. Alors, restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants, toujours sur les ondes de CKRL, la radio qui cultive tes goûts. Le chemin de verre avec Karkoua. Merci, Jeanne. Alors, de retour à l'émission Le Grain de Sable d'Attaque Québec. Alors, on est très heureux ce soir de vous annoncer, chers auditeurs, le retour à l'émission de Robert Jasmin. Alors, Robert, bienvenue chez toi. Alors, pour les rares d'entre vous qui ne le connaîtraient pas, Robert Jasmin est coprésident d'Attaque Québec et a été à la barre du Grain de Sable durant de longues années, en tout cas. Ça fait quand même quelques années qu'il y avait les chroniques ici, à l'émission. Alors, il va nous faire le plaisir de venir renforcer notre équipe de chroniqueurs et vous pourrez le retrouver ici à l'émission une fois par mois. N'est-ce pas merveilleux? Alors, pour la prochaine demi-heure, on a également Cédric Leterme avec nous ici en studio. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Alors, ça me fait plaisir de vous accueillir ce soir ici. Alors, Robert, qu'en est-il du statut des corporations? Alors, c'est une nouvelle qui nous tombe cette semaine qui vient du Vermont. Alors, je vais commencer par le début. Mm-hmm. Le statut des corporations a été finalement décidé par une décision de la Cour suprême à la fin du 19e siècle, dans la deuxième moitié du 19e siècle. Une décision qui a été fondamentale pour presque tout l'Occident, du moins pour l'Amérique du Nord, même nous. Mm-hmm. C'est dans cette décision-là qu'on assimilait la corporation à une personne. Quand même étrange. Ouais, mais ça, c'était pour des raisons de commodité. Pourquoi on disait ça à l'époque? C'était finalement pour dire, ben, comme une personne, une corporation peut posséder un immeuble, une corporation peut faire des achats, peut vendre, comme une personne. Au fil des ans, on s'est aperçu que ça pouvait comporter certains dangers d'assimiler une corporation à une personne. Donc, il y a eu des législations qui ont réduit le pouvoir des corporations dans certains domaines, notamment dans le domaine des élections américaines. Donc, on disait que on limitait le pouvoir de dépenser des corporations à l'intérieur de certaines balises et c'était dans les mœurs finalement et on acceptait que les corporations puissent pas avoir des pouvoirs illimités. Sauf quand on est arrivé à l'an dernier, il y a exactement un an, où une décision de la Cour suprême, il faut dire quelle Cour suprême, c'est-à-dire une Cour suprême qui avait été, dont les membres, les neuf membres, en fait, cinq des neuf avaient été recrutés par Bush pour remplacer soit des juges qui quittaient, parce que trop vieux, mm-hmm. ou qui mourait tout simplement. Donc, Bush, pendant son règne de 8 ans, a eu l'occasion de remplacer 5 juges sur 9. Donc, une nomination. Mm-hmm. mais c'est normal, sauf que ces 5 juges-là étaient des juges particulièrement réactionnaires. Ah. Et ce sont ces 5 juges-là qui, l'an dernier, ont pondu une décision complètement démentielle, où il est dit que les corporations sont assimilables à des personnes, totalement, donc ont droit à la Constitution et la liberté totale d'expression. Oh. Et parmi cette liberté d'expression, il y avait la liberté de financer un candidat, de lutter contre un autre, de payer de la publicité en période électorale, ce qui était interdit avant par une loi. Et ça ouvrait les portes à n'importe quoi. Y compris, comme le président Obama l'a souligné quand la décision est sortie puis qui a estomaqué tout le monde politique, y compris des entreprises étrangères, des corporations étrangères installées aux États-Unis qui pourraient intervenir en fonction de leurs intérêts, dans une campagne américaine. Mmh. Alors, on est dans cette situation-là. Mais il faut s'arrêter quelques minutes sur le contenu de ça, puis l'expliquer un peu. Qu'est-ce que ça veut dire, puis à quel point c'est aberrant. Alors, on vous écoute. Alors, on se remonte au 22 janvier 2010. La Cour suprême rend sa décision, mais ce qui est important, c'est les commentaires d'un juge dissident, un juge progressiste, John Paul Stevens, qui va dire ceci. Les corporations n'ont pas de conscience, ni de croyance, ne peuvent avoir des sentiments, des pensées ou des désirs. Ce qui est tellement évident, mais il a senti le besoin de le dire. Pourquoi? Parce que t'as 5 imbéciles, ou en tout cas 5 réactionnaires, qui s'en viennent donner sur un plateau d'argent une décision qui donne aux corporations un pouvoir politique absolument illimité. Parce que si tu as un pouvoir financier d'intervenir dans les élections, ça veut dire que tu as le pouvoir politique. Exactement. Il continue en disant, les corporations existent et sont constituées pour structurer et faciliter les activités des êtres humains. Mm-hmm. C'est évident. Tout à fait. Et leur statut de personne ne sont que par analogie, ce n'est qu'une fiction légale. Alors, comme je disais tout à l'heure, achat de propriété, possession d'immeuble, avoir un compte en banque, c'est comme des personnes, mais ce ne sont pas des personnes, c'est une fiction. Mais, dit le juge, les corporations ne sont pas elles-mêmes des personnes, membres d'une collectivité appelée dans notre Constitution. La Constitution américaine commence par les trois mots « We the people ». Alors, « We the people », est-ce que les corporations font partie de « We the people », nous le peuple? Alors, il dit, c'est évident que non. Donc, il dit que... Alors, des mouvements, suite à la décision, il y a des mouvements qui se développent aux États-Unis pour renverser cette décision-là, une décision complètement cinglée, rendue par des juges qui sont autant là. Alors, au Vermont, vendredi dernier, une sénatrice de l'État, Virginia Lyons, qui a présenté devant la législature de cet État une résolution contre le statut de personne qui est accordé aux corporations. La résolution propose rien de moins qu'un amendement à la Constitution des États-Unis qui dirait clairement, puisque les juges n'ont pas osé le dire, mais la Constitution le dirait, puis à ce moment-là, les juges seraient obligés de se plier à la Constitution. Mm-hmm. Alors, il dirait qu'une corporation n'est pas une personne en vertu des lois américaines. Et la langue employé par la sénatrice n'est pas équivoque. Elle va vraiment clairement au but. Elle dit, les profits et la survie même des corporations sont souvent en conflit direct avec les besoins essentiels et les droits des êtres humains, les vraies personnes. Elle ajoute ceci, les lois se sont donc avérées sans effet pour la protection des citoyens contre les assauts corporatif en matière d'environnement, de santé, contre les travailleurs, les commerces indépendants et l'économie locale ou régionale. Alors, les grandes corporations sont souvent servies des lois pour aller contre ces intérêts-là. En plus, il ne faut jamais oublier que les corporations ont pris le contrôle des médias et donc de l'information. Elles ont donc fait des citoyens des simples consommateurs. En conclusion, la résolution déposée par la sénatrice demande que le terme « personne » ne puisse s'appliquer qu'aux êtres humains. Alors, rappelons... Quand même important. Rappelons quand même jusqu'où. Hein, mm-hmm. Ça vaut la peine de s'arrêter 2 secondes, mais la corporation ne peut absolument pas se comparer à une personne puisqu'elle peut se diviser. Une personne ne peut pas se diviser, à moins d'être schizophrène. Elle peut se délester d'une partie d'elle-même pour former d'autres personnes fictives. Hein, comme une cellule, une corporation peut se diviser en plusieurs petites corporations. Elle est immortelle, peut changer de nom et d'identité du jour au lendemain, comme si une personne pouvait faire ça, c'est absurde. Elle n'a ni âme ni corps et peut être possédée par d'autres personnes. Les actionnaires, qui font d'elle ce qu'ils veulent, en vendant ou en achetant des parties de cette corporation, en somme, en pouvant en disposer comme d'un esclave. Oh. Donc, si ce sont des personnes, ce sont, entre autres, des esclaves. Voilà. Alors, merci, Robert, d'avoir pris le temps de nous informer sur le statut des corporations. Alors, maintenant, je ne verrai plus jamais les corporations du même œil. C'est plus important que même avant que cet arrêt-là ait été rendu aux États-Unis, la question du financement des élections était souvent pointée du doigt, puisque c'était de plus en plus les candidats qui avaient le plus de moyens financiers qui remportaient les élections, avant même que l'arrêt ait été rendu, quoi. Donc ce que cet arrêt-là donne, c'est vraiment carte blanche aux corporations pour acheter littéralement les élections, ce qui était déjà le cas avant, mais c'est d'autant plus le cas maintenant, et ça c'est vraiment très inquiétant, quoi. Et un autre bon exemple de ce que tu dis, c'est des dérives qui peuvent être attribuées au fait de donner finalement aux corporations le droit de liberté d'expression et aussi le statut de personne, c'est qu'on considère qu'elles peuvent être attaquées comme personne, qu'elles ont le droit de défendre leur réputation, etc., comme personne, alors que c'est finalement des entités qui relèvent du bien public, ou en tout cas dont les actions ont une influence profonde sur le bien public. Et un des meilleurs exemples, on en a souvent parlé ici, c'est la question des poursuites Bayon. C'est-à-dire que le fait que les corporations se considèrent comme des personnes avec une réputation à défendre, comme quelqu'un de privé, et la moindre critique qu'on pourrait porter à leurs activités qui ont des impacts réels sur les communautés, comme Robert l'a dit, ben c'est considéré comme une atteinte à leur réputation et elles intentent en justice pour diffamation, quoi. Donc là, on a vraiment un bon exemple, même chez nous, avec la poursuite Bayon contre Alain Deneau, on la connaît. J'ai ici devant les yeux un article sur une poursuite Bayon qui va probablement être intentée, mais qui a été intentée contre un groupe écologiste par la compagnie Petrolia, qui avait eu le culot de critiquer le fait que les compagnies pétrolières ne payaient pas assez de redevances. Donc tout ça, c'est vraiment des exemples de cette logique-là, même par chez nous. C'était hier, et c'est vraiment actuel. C'est vraiment récent, alors qu'on a passé ici au Québec une législation, on est la seule province au Canada à l'avoir fait, à passer une législation contre les poursuites Bayon. Ben, ça n'empêche quand même pas les entreprises de se croire tout permis et de continuer à avoir recours à des procès pour essayer d'intimider les opposants. Alors, merci Cédric et Robert. Alors, on va devoir s'arrêter le temps d'une petite pause musicale. Alors, restez bien avec nous, chers auditeurs. Au retour, on continue notre discussion avec Robert Jasmin et Cédric Leterme. À tout de suite. Soldats de plomb, soldats de plomb. Tout maigre dans ma grosse veste qui me servait d'armure, j'avais du shit dans mes chaussettes et je faisais dans mon pantalon. Soldats de plomb, soldats de plomb. J'avais juste 12 ans, les poches remplies d'argent, j'avais déjà vu trop de sang. Soldats de plomb, soldats de plomb. J'étais adolescent quand j'ai vu le destin prendre un calibre et nous descendre un par un. Mort par overdose, par arme à feu, par arme blanche ou par pendaison. Soldats de plomb, soldats de plomb. Bien sûr qu'un sourire nous aurait fait plaisir, juste un peu d'attention et peut-être ça aurait été autrement. Nous aurions été des enfants normaux et pas des enfants soldats. Soldats de plomb, soldats de plomb. Ça ne pouvait finir qu'en drame quand nous étions dans cette cave et que tout notre escadron s'est mis à sniffer de la cam. Soldats de plomb, soldats de plomb. Des copines que j'avais connues belles s'étaient changées en loques humaines à cause de l'héroïne qu'elle s'était injectée dans les veines. Soldatesse fatiguée, soldats de plomb, soldats de plomb. Certains de mes proches, de mes frères, décidèrent de faire sauter la banque à coups de revolver. Bang, bang. 5, 10, 15 ans fermes et on ne parle plus que par lettres. Soldats de plomb, soldats de plomb. Sous le volant, les câbles pendent. Ils roulaient vite pour pas se faire prendre. L'explosion sonna, boum, et il se fit pendre. Soldats de plomb, soldats de plomb. Sans oublier les histoires bêtes, un contrôle d'identité, on finit une balle dans la tête. Soldats de plomb, soldats de plomb. Alors ça finit en émeute, en guerre rangée, CRS casqué contre jeunes en meute, enragés. Soldats de plomb, soldats de plomb. Alors aujourd'hui, quand j'entends des journalistes me dire que parler de paix et d'amour, ça ne sert à rien si ce n'est divertir, je pense à ces mecs et ces meufs dont l'ultime demeure est sous une croix ou tournée vers la Mecque. Ces petits mecs et ces petites meufs qu'on ne considérera jamais comme des héros ou même comme de simples victimes de guerre. Moi, je ne vous oublie pas. Et en votre mémoire éternelle, je ferai tout pour faire la paix avec moi-même. Et avec les autres aussi, pour un monde meilleur. Vive la France arc-en-ciel, unie et débarrassée de toutes ses peurs. Soldats de plomb, soldats de plomb. soldat de plomb. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Donne-moi la main. On a entendu Abdel Malik avec Soldat de plomb. Merci, Jeanne. Alors, de retour au Grain de sable sur les ondes de CKRL, c'est Valérie Blouin qui vous parle en ce moment. Alors, on est toujours en compagnie de Robert Jasmin et de Cédric Leterme, avec qui nous venons de dresser un portrait du statut des corporations. Et maintenant, on vous entraîne vers plus les effets des mesures d'austérité. Oui, ben ça semble un sujet austère, mais ça serait plus un commentaire. Simplement, oui. Pas une analyse des mesures d'austérité, parce que je pense que tout le monde sait à quoi ça rime. Les mesures d'austérité, hein, c'est la hausse des tarifs, c'est la baisse dans les services publics. C'est ça l'austérité, c'est des coupures. Et on dirait que il y a comme un concert dans les médias. Les éditorialistes, la façon dont les nouvelles sont présentées, on dirait que ça va de soi. Tout le monde devrait, tous les gouvernements de la planète devraient actuellement entrer dans le concert puis dire coupons. On coupe. Coupons. Coupons. Donc c'est une norme. À chaque fois qu'un gouvernement décide de couper, les commentaires, c'est quel courage. Quel courage. Il faudrait peut-être se questionner sur où est le vrai courage. Puis après ça, on parlera de peut-être un ou deux exemples historiques qui vont nous montrer que ce genre de courage-là, jusqu'où ça peut nous mener. Mais parlons courage. Et si on demandait aux gens les plus riches de payer une juste part d'impôts, est-ce que ça serait pas là le courage de passer de telles mesures? Mais ça, ce courage-là, on le voit pas. Est-ce que à quand on pourrait, par exemple, voir des coupures dans les bonus des cadres supérieurs des grandes corporations, des banques? À quand on aurait le courage, parce que là aussi, ça serait du vrai courage, de sanctionner les banques qui font affaire ou qui ont des filiales dans les paradis fiscaux. Parce que ça existe. Alors, le courage, il semblerait que ce soit réservé, le terme courage, ce soit réservé aux gestes qui tapent sur la majorité des gens, qui tapent sur les salariés, qui tapent sur les travailleurs, qui tapent sur les bénéficiaires de services. Ça semble être ça, le courage. Taper sur les plus faibles. Je sais pas, mais il me semble que dans mon ordre de valeur, le courage, c'est de frapper sur les plus forts et de frapper les gens qui font qu'il y a des faibles. Historiquement, on a vu que on sait un peu où de telles mesures d'austérité ont conduit. En 1930, en Allemagne, il y a un gouvernement qui a fait exactement ce qu'on recommande aujourd'hui à tous les gouvernements, ce que les gens d'affaires recommandent, ce qu'à Davos, on va recommander au gouvernement de faire. C'est exactement ce que le gouvernement allemand a fait à l'époque. Alors, qu'est-ce qu'on recommande? Hausse de tarifs, coupure de salaire, limitation des prestations de chômage, coupure dans les pensions. C'est exactement la politique qu'a suivi le gouvernement allemand en 1930. Politique qui a nourri, en passant, c'est là-dessus que s'est appuyé les théories de von Hayek, le père du néolibéralisme. C'est là que ça a commencé. Et ça a donné quoi? Ça a donné Hitler en 1933. Donc, non seulement des mesures qui ont suscité la rage, le désespoir, mais qui ont porté des populations à se jeter dans les bras de sauveurs, de messies comme Hitler. Alors, c'est pas le seul exemple. Si on regarde, par exemple, le Chili, ben, sachons que le Chili, c'est un grand bond dans l'histoire, mais il y en a eu d'autres entre-temps, là. Mais le chômage sous Allende était de 3%. Tant quelle année, ça, déjà? 70. OK. En 73, Allende est renversé par un coup d'État fasciste. Pinochet est placé au pouvoir par les États-Unis. Et sous Pinochet, il y a le néolibéralisme qui prend son envol. Toutes les théories de von Hayek, l'allemand, sont mises en pratique. 40 ans plus tard. Oui. Et le chômage sous Pinochet, un régime économique vanté en Occident comme étant efficace, 20% de chômage. Donc, sous Allende, gouvernement socialiste, 3%. Sous Pinochet, gouvernement fasciste, 20%. Alors, quand on parle mesure d'austérité, il faudrait peut-être voir les leçons de l'histoire. Il y a beaucoup d'autres cas, il serait trop long de les exposer ici. Mais dans la foulée du thème de l'austérité, rions un peu. Et voyons un peu Robert, un peu d'humour. C'est l'enchaînement que je fais avec le Forum économique de Davos. En fait, c'est pour rire jaune, hein, parce que j'aimerais mieux rire autrement. En passant, qui a lieu en ce moment et qui précède de quelques jours le Forum social mondial, l'anti-Davos, qui va se passer à Dakar, au Sénégal, la semaine prochaine. J'ai trouvé un petit article dans le New York Times qui est intéressant. Un journaliste qui a fait son travail. qui a fait un peu de recherche. C'est ça que j'appelle faire du travail comme journaliste. Alors, il a découvert que si vous voulez participer au Forum économique de Davos, mettez un peu d'argent de côté, ça vous coûterait à peu près 150 000 $. Ça dure quatre jours. Rien que ça. Ça dure quatre jours. Ça, c'est pour avoir le privilège de participer une part entière au Forum économique. Mais d'abord, il faut que vous soyez invité. Et le coût de base, il faut être membre pour pouvoir être là. Donc, pour devenir membre, le coût de base, ça c'est, vous allez voir, 52 000 $. Je pense qu'au Forum social mondial, c'est 50 $. C'est un petit salaire annuel. Alors, 52 000 $, mais cela ne vous donne que la possibilité d'assister aux sessions générales. Les membres appelés associés industriels. C'est comme chez Walmart, hein? Ils ont un vocabulaire, les associés, au lieu de dire des salariés. Donc, les associés industriels pourront passer au-delà du cordon violet et participer aux sessions privées. Donc, ça, c'est plus que 50 000 $, c'est 137 000 $ qu'il faut payer. C'est-à-dire, en plus de payer un ticket d'entrée de 19 000 $. Et ça, c'est sans compter le billet d'avion de première classe, bien entendu. Oui, bien sûr. Le PDG devra payer quelque 140 000 $ pour la location pour 4 ou 5 jours d'un chalet à Davos pour lui et son personnel. C'est d'une générosité. Bon, mettons un chalet de 5-6 chambres, là, pour skieurs autrement. Ben là, le PDG va payer pour 4-5 jours 140 000 $ pour une location. Alors, il y a les dépenses courantes, 10 000 $ pour la location d'une auto avec chauffeur, 210 $ par personne pour un repas par personne. Alors, imaginez quand vous êtes accompagné de votre maîtresse, combien ça peut coûter. Le coût d'un cocktail pour impressionner vos semblables vous coûtera à peu près 8 000 $ pour une heure. On organise pour faire un peu de promotion de ses idées, on organise un petit cocktail, c'est 8 000 $ pour une heure. Il semble que tu m'en... Tout ça pour prêcher l'austérité. Ouais. J'ai l'impression qu'on est dans un autre monde. C'est ces gens-là qui prêchent l'austérité. Ça vaut la peine de mettre ça un à côté de l'autre. Hein? Oui, tout à fait. Voilà. C'est une belle comparaison et de très belles réflexions ici.

políticos que solo están para engañar a la gente y robar dinero. Mis cigarros se consumen, necesito más taco. Mi cabeza no entiende lo que ve girar. Mira, estoy perdida, enloquecida de tanto buscar y no encontrar respuestas, salidas, alguna señal en mi camino. ¿Cuál es la solución? Disolución, ilusión de un sueño que nunca llegará. Resistencia, no dejen de gritar. Resistencia, resistencia, no dejen de gritar. Resistencia, resistencia, no dejen de gritar. Resistencia, resistencia, no dejen de gritar. Resistencia. Ellos son los que chican la nación, los que me entienden y me escuchan. Este son, ellos son. No somos uno, ni somos cien. Pinche gobierno, cuéntanos bien. Resistencia, no dejen de gritar. Resistencia, resistencia, no dejen de gritar. Resistencia, resistencia, no dejen de gritar. Resistencia, resistencia, no dejen de gritar. Resistencia. On a entendu Resistencia avec Los de Abajo. Merci Jeanne, vous êtes toujours à l'écoute du Grain de Sable ici à CKRL 89.1 pour la deuxième partie d'émission. Alors, vous le saviez, il y a deux semaines, le dictateur tunisien Ben Ali a fui son pays sous la pression de la rue dans ce qu'on appelle maintenant la Révolution du Jasmin. C'est un événement majeur de l'histoire récente dans cette région du monde et il a entraîné une véritable onde de choc dans la plupart des pays voisins. C'est très d'actualité ces temps-ci. Donc les pays voisins qui ont des dictatures aussi féroces. Alors partout le peuple est dans la rue avec les mêmes revendications qu'on pourrait résumer par un des slogans emblématiques de la révolution tunisienne: pain, liberté et dignité. Alors, on est toujours en compagnie de Cédric Le Terme. Robert Jasmin nous a quittés, par contre, c'est Cédric qui est avec nous pour évoquer les enjeux liés à ces événements. Alors, Cédric, aimerais-tu nous faire un petit bilan de la situation? Mais volontiers. Écoute, comme tu l'as dit, la révolution tunisienne qui a eu lieu il y a à peu près 2 semaines, ça a vraiment été l'étincelle qui a servi à embraser finalement toute la région. Il y a très peu de pays à l'heure actuelle qui échappent aux troubles qui font suite aux événements de Tunisie. On entend beaucoup parler de l'Égypte évidemment ces jours-ci, puisque c'est là pour l'instant que c'est le plus chaud, on peut dire. Bon, il y a eu plusieurs immolations en Égypte. Pour l'instant, elle vit ses plus importantes manifestations depuis 30 ans. Donc il y a vraiment... D'ailleurs, on a peine un petit peu à suivre tout ce qui se passe parce que ça n'arrête pas toutes les heures, ça empire. Là, ça fait 3-4 jours que les Égyptiens sont dans la rue et manifestent massivement contre le pouvoir. Le pouvoir d'Hosni Moubarak, il faut le rappeler, est en place depuis 1982. Donc on parle aussi de régime très très peu démocratique. Pour continuer la liste, au Yémen, hier encore, il y avait aussi des milliers de personnes qui ont manifesté contre le régime qui là est au pouvoir depuis 32 ans. Il y a une espèce de course à la longévité entre ces pouvoirs-là, c'est affolant, ils sont tous là depuis 30-40 ans. En Jordanie, ça fait aussi plusieurs semaines qu'il y a des manifestations qui ont lieu, assez importantes. En Algérie, là aussi, depuis le début du mois de janvier, le pays connaît des émeutes extrêmement violentes, où il y a malheureusement déjà eu des morts, et des centaines de blessés. Il y a aussi eu deux immolations, suivant le cas de ce jeune Tunisien qui s'est immolé par le feu, qui a lancé les événements. Donc il y a beaucoup de gens qui ont imité son exemple à travers la région, donc en Algérie aussi. Il y a aussi eu des cas d'immolation relations et de manifestations, même si c'était plus réduit dans des pays comme le Soudan, le Maroc, en Oman et aussi en Mauritanie. Donc on voit vraiment que c'est une propagation extrêmement impressionnante de la révolte en Tunisie qui se propage vraiment à l'ensemble de la région. Ah, tout à fait, c'est vraiment impressionnant, mais au-delà de l'effet d'entraînement évident, qui est donc de la révolution tunisienne là, qui vient d'arriver, est-ce que les situations sont comparables? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça se répète dans tous ces pays? Ce qui s'est passé en Tunisie? Non, pas vraiment. C'est vrai qu'il faut évidemment rester extrêmement prudent avec les prédictions, avec les généralisations qu'on aurait envie de tirer directement face à ce qui se passe. Même si évidemment on a envie d'y croire, quoi. On regarde, c'est tellement beau ce qui s'est passé en Tunisie. On souhaite évidemment à tous ces peuples-là de pouvoir enfin goûter à la liberté dont on les a privés depuis si longtemps. Mais il faut quand même se garder d'aller un petit peu trop vite et de dire ce qui se passe en Tunisie peut se passer partout, ou en tout cas de la même façon. Parce que les situations sont quand même très différentes d'un pays à l'autre. C'est sûr que la toile de fond, elle est la même, en fait. Le tableau général, il est assez commun à l'ensemble de la région. C'est-à-dire partout, on a des régimes qui sont extrêmement autoritaires, que ce soit des républiques ou des monarchies, ça change pas grand-chose. Là où il y a de la démocratie officiellement, c'est une démocratie de façade, finalement. La liberté de la presse est complètement bafouée. Il y a aucune opposition un tant soit peu significative qui est autorisée, aucune liberté d'expression, etc. Donc partout, c'est des pays qui tiennent leur pays vraiment dans une main de fer avec le soutien, faut-il le rappeler, des pays occidentaux. Et il faut le rappeler lourdement. Et dans ce contexte-là, la crise économique intervient. Elle va évidemment frapper très dur ces pays-là, et en particulier les couches les plus défavorisées qui avaient déjà pas la vie très facile. Et à ça vient s'ajouter la hausse dramatique du prix des aliments. Ça avait déjà eu lieu en 2008. On se souvient, il y avait eu d'importantes émeutes de la faim. Ça s'est un peu calmé avec la crise, et là, ça vient de réexploser sous le coup de plusieurs facteurs. Donc évidemment, dans des pays où la population, la majeure partie de la population, elle consacre les trois quarts de son budget à se nourrir, quand les prix explosent, ils savent tout simplement plus nourrir et tombe dans la misère et la faim, quoi. Donc évidemment, ça crée des situations particulièrement explosives partout. Donc ça, c'est peut-être pour les traits communs à l'ensemble de ces pays-là. Après, d'un pays à l'autre, les situations sont très différentes, les compositions sociales des pays, etc. Il faut savoir par exemple qu'en Tunisie, il y avait quand même une classe moyenne assez importante qui s'était développée. Le pays avait quand même connu un processus de modernisation quand même assez poussé. Il avait connu un bon développement économique. Il avait notamment beaucoup investi dans ses jeunes et dans l'éducation. Donc il y a énormément de jeunes qui avaient eu accès à l'université. Et c'est ça qui explique un peu aussi l'ampleur de la révolte, c'est que c'est l'arrivée massive de tous ces jeunes-là sur le marché du travail avec un diplôme, qui espéraient pouvoir récolter les fruits de leur travail et de leurs études, et qui se retrouvent complètement bouchés. Donc ces jeunes-là ont vraiment joué un rôle très important dans la révolution en Tunisie. L'Égypte, c'est un cas tout à fait différent, où à peu près la moitié de la population est illettrée, et on n'a pas cette classe moyenne qui peut jouer le même rôle. C'est pas pour dire que les illettrés peuvent pas faire de révolution, évidemment il n'y a pas de règle dans ces cas-là, mais c'est vrai que historiquement on a toujours observé que les classes moyennes jouent un rôle de premier plan dans la plupart des révolutions, et de toute façon ça fait en sorte que les dynamiques sont pas les mêmes d'un pays à l'autre, les capacités d'organisation, les revendications, toute la dynamique de révolte, etc. est pas la même, donc ça limite directement la pertinence de comparer évidemment le cas de la Tunisie avec les autres pays, quoi. Mais c'est intéressant de voir, en tout cas de mettre en valeur le volet de l'éducation, à quel point ça l'a vraiment aidé pour la révolution en Tunisie. Puis il paraît aussi que le rôle de l'armée, donc, serait pas le même. Non, c'est vrai. C'est aussi un élément très important. De nouveau, on va partir de ce qui était le cas en Tunisie. L'armée était peut-être plus autonome vis-à-vis du pouvoir, moins liée directement au pouvoir. C'est-à-dire c'est une institution qui gardait une certaine indépendance par rapport au pouvoir, par rapport au parti au pouvoir. Donc, elle gardait quand même une certaine distance. Elle s'impliquait pas directement dans la politique, même si elle soutenait évidemment le régime en place. Elle était moins développée que ce qu'on peut observer en Égypte, où là, en Égypte, l'armée est vraiment intimement liée avec le pouvoir. Elle occupe, elle s'investit dans la politique plus directement. Elle bénéficie aussi d'une aide colossale des États-Unis, ce qui permet à l'armée d'avoir des moyens évidemment monstrueux par rapport à ce qui pouvait être le cas en Tunisie. Donc là aussi, il faut évidemment prendre compte de cette donnée-là quand on regarde ce qui se passe. Il faut le rappeler quand même. Il faut le rappeler parce qu'en Tunisie, l'armée a finalement laissé tomber le régime. Elle a refusé à un moment donné de suivre les ordres et de tirer sur la foule. Et à partir du moment où l'armée a retiré son soutien au régime, le régime s'est écroulé en Tunisie. Là, une des grosses interrogations en Égypte, c'est qu'est-ce que va faire l'armée? Est-ce qu'elle va appuyer le gouvernement comme il lui demande, ou est-ce qu'elle va se ranger du côté de la population? On entend des nouvelles aujourd'hui comme quoi l'armée aurait commencé à fraterniser avec les manifestants. Donc ça, ce serait quelque chose d'extrêmement important, parce que si l'armée bascule en Égypte, encore plus qu'en Tunisie, ça peut vraiment être quelque chose de déterminant dans la réussite du soulèvement et dans dans la volonté de faire partir le président. Quoi. Est-ce que tu crois que les gouvernements vont tirer certaines leçons de ce qui s'est passé en Tunisie? Oui, t'as raison, ça aussi c'est vraiment un fait important, c'est que en Tunisie l'effet de surprise a joué à plein évidemment, le gouvernement s'attendait pas du tout à un emballement pareil, on l'a vu, ses réactions étaient toujours un coup en retard, donc il a essayé de donner des gages d'ouverture etc, mais à chaque fois trop tard, et donc il s'est retrouvé vraiment débordé par l'ampleur des manifestations, il a dû fuir. Là évidemment on peut supposer que les autres gouvernements en place en Algérie, en Égypte ou dans tous ces pays-là, ils ont suivi attentivement ce qui s'est passé en Tunisie, ils ont probablement tiré quelques leçons. Malheureusement, on voit partout qu'ils essaient d'annoncer des mesures sociales, donc ils disent qu'ils vont diminuer le prix des aliments, qu'ils vont procéder à quelques ouvertures, ils essaient de calmer un petit peu, mm-hmm. en jouant bien sûr à côté la répression, parce que la répression est quand même féroce, faut le rappeler aussi. Un autre bon exemple des leçons qu'ils ont tirées, c'est le rôle d'Internet. On a entendu partout que la révolution en Tunisie c'était particulièrement basée sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, etc. Si nous on a entendu parler, c'est sûr qu'en Égypte aussi ils en ont entendu parler, et aujourd'hui tout Internet a été coupé en Égypte, l'accès au téléphone portable a été coupé, on peut plus envoyer des SMS, donc ils ont vraiment bloqué les connexions. Alors il y en a qui arrivent à passer outre, de toute façon il y a toujours des gens qui arrivent à trouver des moyens, mais les communications sont quand même vachement empêchées, bloquées pour la plupart. Donc évidemment c'est peu probable finalement, malheureusement, que la situation tunisienne se répète à l'identique dans les autres pays pour toutes ces raisons-là. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que c'est un symbole qui reste extrêmement fort, ce qui s'est passé pour toute la région. Ça a vraiment inspiré tous les pays, on le voit. Et tant pour les populations d'ailleurs qui se battent pour les libertés, que pour les dirigeants qui se rendent compte que leur pouvoir ne tient qu'à un fil. Donc inévitablement, que ça mène à des révolutions ou pas, ça va mener à des changements et ça va être un événement majeur de notre époque, quoi. C'est sûr que quand les gens se révoltent et décident de ne pas accepter ce qu'on leur propose, donc ils sont tellement malheureux. La rue a le pouvoir de changer, quoi. C'est ça qui est fou. C'est que ça faisait vraiment 20-30 ans qu'ils étaient sous ce régime-là, ils sont descendus dans la rue, ils l'ont fait partie. Alors on peut appliquer ça un petit peu partout. Voilà. Alors merci Cédric. Alors on se quitte quelques instants. Alors restez avec nous, on se retrouve pour la dernière partie d'émission dans quelques instants. Le président a déclaré la mort du peuple ce matin. Il a failli nous faire pleurer, il avait tellement de chagrin. Le premier ministre agacé nous a dit qu'il faudrait s'y faire. Il était tellement affolé qu'il a mis sa veste à l'envers. On est resté le cul par terre. Et puis on a regardé en l'air. Au-dessus des maisons, le soleil s'est rayonné. Les a vivement encouragés à nous dire que tout allait bien. Quand il est venu à la télé, il a mis de l'eau dans son vin, nous a simplement remercié d'un petit geste de la main. On s'est senti paumé soudain. Venez de perdre un copain. On était presque moins que rien. Alors on a regardé au loin. Oh, On écoutait Mickey 3D avec La mort du peuple. Vous êtes toujours sur CKRL avec l'émission Le Grain de Sable jusqu'à 18h30, suivi de 100% Dynamite avec Jean-Baptiste Duvigneault et Goulvendi. On écoutait avec Cédric Le Terme. On discutait, pardon. Des fois, ça m'arrive. Je dis des choses qui dépassent ma pensée. Mais j'écoutais. Oui, c'est ça. Intensément. Attentivement. Ça fait plaisir. Donc c'est ça qui nous parlait de tous les événements qui secouent. Là. C'est vraiment comme un tremblement de terre, si on veut. Actuellement en Afrique du Nord et le Moyen-Orient, donc avec toute la révolution tunisienne, très important. Donc au niveau international, c'est quoi les conséquences de tout ce qui se passe actuellement? Écoute, il y en a beaucoup, évidemment, c'est très important ce qui se passe là-bas pour l'équilibre géopolitique, on va dire, de la région. Il faudrait peut-être d'abord commencer par rappeler l'énorme responsabilité des pays occidentaux dans ce qui se passe actuellement là-bas. Ouais, dans quel sens? On l'a dit. La très grande majorité de ces pays et de ces régimes donc dictatoriaux qui sont actuellement fort contestés par la rue, ils sont considérés depuis longtemps comme des alliés fidèles de l'Occident. On les soutient allègrement, que ce soit financièrement, militairement ou politiquement aussi, en échange de leur ouverture donc, économique. Le Canada soutient des dictatures? Oui, tout à fait. On va le voir, le Canada était un grand ami de la Tunisie jusqu'à peu. Ce soutien-là, on leur apporte en échange de l'ouverture économique, de leur docilité finalement, du fait qu'ils acceptent de jouer selon les règles de la mondialisation et évidemment de réprimer leur peuple pour faire accepter ces règles-là et aussi leur collaboration dans la lutte contre le terrorisme qui leur vaut aussi l'admiration de nos États tellement démocratiques. Juste pour donner quelques exemples de soutien-là, en avril dernier, donc tu demandais si le Canada les soutenait, le ministre des Affaires étrangères canadien, Lawrence Cannon, en avril dernier, rencontrait son homologue tunisien pour réaffirmer l'attachement du Canada à la relation particulière qu'il unissait avec la Tunisie. Donc on était très loin des déclarations un peu hypocrites qu'on entend aujourd'hui sur la joie qu'éprouve le Canada quand il voit la liberté du peuple tunisien. Pour Sarkozy, c'est encore plus assumé. Ben Ali était un grand démocrate. La France a même, s'est couvert de ridicule les dernières semaines parce qu'en pleine révolte tunisienne, une semaine avant la fuite de Ben Ali, la ministre des Affaires étrangères française a proposé à la Tunisie l'expertise française en matière de maintien de l'ordre. Ah, c'est donc, quand même. C'est intense. Là, ils essayent de se justifier par rapport à ça et dire que c'est un malentendu. On voit mal ce qu'on aurait dû comprendre d'autre. Les États-Unis sont pas en reste. Hein. Ils ont assez vite lâché la Tunisie, mais au début des événements, par contre, eux aussi l'avaient grassement soutenu. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé la Tunisie pour y envoyer des prisonniers capturés dans le cadre de la guerre contre le terrorisme et pour pouvoir les torturer là-bas en paix. Donc ça, c'est des exemples. L'Égypte aussi est grassement, elle est au centre de l'attention maintenant, mais l'Égypte est grassement soutenue par les États-Unis. C'est le deuxième récepteur d'aide internationale au monde par les États-Unis après Israël. Donc ils reçoivent, je crois, 1,3 milliard de dollars en aide, que ce soit militaire, de nouveau financière ou autre par année. Donc ça explique tous les instruments de répression qu'ils ont maintenant, c'est-à-dire les grenades qu'ils envoient sur les manifestants, les balles qu'ils tirent. Tout ça c'est de fabrication américaine, donc c'est important de le rappeler aussi. Donc les États-Unis sont pas en reste là-dessus. Donc évidemment tout ce beau monde-là se retrouve un petit peu embarrassé maintenant. Je dis embarrassé parce que c'est pour reprendre les termes de nos ministres canadiens qui sont embarrassés de la situation en Tunisie, qui sont embarrassés que... C'est embarrassant. Oui, c'est embarrassant, c'est vrai que de la famille tunisienne ait des villas ici et envie de se réfugier ici parce que on se demande pourquoi ils ont l'impression que le Canada est tellement accueillant avec eux. Mais il y en a peut-être déjà. Oui. En tout cas, oui, ils ont des habitations ici. Je crois que le Canada là, toute honte but à refuser de les voir venir ici. Donc évidemment, la plupart des pays occidentaux maintenant, ils sont bien obligés de saluer la liberté retrouvée du peuple tunisien, d'appeler évidemment dans les autres cas un règlement pacifique de la situation dans les autres pays. On voit mal ce qu'ils pourraient faire d'autre, mais concrètement, ce qui est certain, c'est qu'ils vont tout faire pour limiter l'ampleur des réformes qui se met en place à l'heure actuelle et des changements qui vont intervenir parce qu'ils savent très bien que les populations sont pas prêtes à leur pardonner le rôle qu'ils ont joué dans le soutien aux dictatures et que probablement, si on laisse les gens faire comme on devrait, ça va aller dans le sens d'une remise en question du rôle occidental dans la région et des principes économiques et politiques qu'il a mis en place. À titre d'exemple, les États-Unis ont envoyé un représentant en Tunisie, un représentant spécial en Tunisie ces derniers jours je cite, les aider à organiser la transition. Mm-hmm. C'est un petit peu gonflé, on se voit mal quelles leçons les États-Unis pourraient donner sur l'installation de la démocratie là-bas. Est-ce que ce n'est pas pour veiller à leurs intérêts? Très probablement, en tout cas c'est vraiment inquiétant à entendre. Là ils font pression très fort sur leur allié en Égypte pour leur demander de faire des réformes, d'essayer d'adoucir, de pas trop user de la répression, etc., pour éviter justement que ça bascule et que le pouvoir se retrouve en des mains qui pourraient déranger les États-Unis. Donc il y a vraiment une grosse effervescence dans les chancelleries occidentales pour essayer de faire en sorte que la situation dérape pas et qu'on se retrouve pas avec un ensemble de gouvernements qui seraient contraires aux intérêts occidentaux, comme ça a été le cas jusqu'à maintenant. Donc dans ce contexte-là, ben, c'est à nous, citoyens, d'être vigilants, d'exiger de nos élus qu'ils arrêtent de soutenir ces dictatures-là, qu'ils laissent une fois pour toutes les peuples de ces régions décider d'eux-mêmes, qu'on arrête de fournir des soutiens à des régimes qui nous permettent de piller leurs richesses en paix. Et voilà, c'est là-dessus qu'il faut vraiment rester attentif, et c'est le rôle, en tout cas, que nous ici, on a joué. Tu t'invites un peu les auditeurs à aller solliciter un peu leurs députés. Voilà, par exemple, vous pouvez, à l'heure actuelle, j'ai pas entendu un regroupement qui aurait pris place comme ça a été le cas pour la Tunisie. On sait qu'il y a un regroupement, société civile pour soutenir la Tunisie. Vous pouvez toujours prendre contact avec eux. Pour l'Égypte, je n'ai pas encore vu. On le fera mention à l'émission si ça s'organise. Par contre, ce que vous pouvez toujours faire, c'est écrire à vos ministres, écrire à vos députés pour leur mettre la pression, pour dire que vous les regardez, on regarde ce qu'ils font, on surveille, et on aimerait franchement bien exiger de leur part qu'ils arrêtent de soutenir ces pays-là et qu'ils adoptent une position très claire qui coupe l'aide à ces pays-là tant qu'ils n'ont pas adopté des réformes démocratiques et qu'on s'engage à ne plus intervenir dans les affaires intérieures de ces pays-là. Alors, très préoccupant et très, réflexif. J'arrête, je ne parle plus. Alors, merci Cédric. Avec merci plaisir. Beaucoup. Alors, c'est déjà tout pour aujourd'hui. On se garde alerte pour la prochaine semaine à venir. J'aimerais remercier Jeanne Gutiérrez qui est à la mise en onde, à Robert Jasmin ainsi qu'à Cédric Letain pour leurs interventions. Les enregistrements sont toujours disponibles sur le site de CKRL et aussi sur le site d'Attaque Québec. Alors, n'hésitez pas à consulter ce site pour avoir plus d'informations sur l'organisme. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez toujours nous écrire à l'émission legraindesable@hotmail.com. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Grain de Sable. Et d'ici là, restez alertes et ouverts et solidaires. Mon nom est Valérie Blouin. Je vous souhaite un excellent début de soirée et je vous laisse en compagnie maintenant de Jean-Baptiste Duvigneau et Goulvendi avec 100% Dynamite, tout de suite après ces quelques publicités sur les ondes de CKRL, cette radio fabuleuse qui cultive tes goûts.